Bon mardi soir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Aérospatiale, votre magazine entièrement consacré à l'univers des arts visuels. Raymond Poirier au micro, Jacques Gignac à la mise en onde. On est avec vous et avec grand plaisir jusqu'à 18h30 pour plusieurs regards, quelques regards chargés d'urgence, notamment vers l'exposition « Votre opinion est importante » qui est présentée au lieu, enfin une installation performative, décrivons-la comme ça. On aura plus de détails avec l'artiste Edith Brunette qui sera avec nous tout à l'heure, mais je parlais d'urgence puisque c'est une exposition qui se termine incessamment. Inversement, peut-être un peu moins d'urgence pour s'y rendre, alors une activité peut-être à mettre en manque pour le temps des fêtes, qui sait, puisqu'il s'en vient. Alors on ira faire un tour du côté du Musée de la Civilisation pour y voir l'exposition Art du Nigeria. Le directeur général du musée, Michel Côté, sera avec nous pour nous présenter tout ça. Également, des collaborateurs qui seront de passage, notamment Catherine Boivin pour sa chronique mensuelle. Elle nous parlera donc de l'exposition Palimpsia de Ludovic Fouquet qui est présentée à Engram. Et autre collaborateur qu'on a le plaisir d'accueillir, Simon Roy, pour sa sélection audio de la semaine. Simon, bonjour. Bonjour, Raymond. Alors, tu prépares tranquillement pour le temps des fêtes? Oui, j'ai pas fait de sélection de musique du temps des fêtes. Je suis totalement allergique, donc je vais épargner les auditeurs qui sont comme moi. Mais c'est un peu un anti-Noël, dans le fond, qu'il faut faire, là. Côté musique. C'est ça, c'est un peu de musique spatiale. Je pense que c'est le meilleur mot que j'ai pu trouver pour l'album que je présente ce soir. C'est un duo, donc encore une fois, qui collabore via Internet. On dirait que je tombe sur plein d'albums du genre de ce temps-ci. C'est deux artistes, donc Mitek et Zreen Toys. Mitek qui vient de la Suède et Zreen Toys, c'est un Français qui évolue sous le nom de Arcane Waves maintenant, qui fait de la musique depuis les années 70, qui a une formation formelle en piano, puis qui a tout balancé par la porte, donc qui se concentre sur l'improvisation maintenant. L'album s'intitule « A Complex Brain in Confused Adventures ». C'est vraiment évocateur de ce que l'album peut apporter. Ça me rappelle un peu les films de science-fiction des années 70. C'est un peu une ambiance cauchemardesque, un peu psychédélique, un peu ambiante, donc musique vraiment spatiale, galactique, un peu une petite touche industrielle aussi. Et ce qui est important de dire, en fait, ce qu'on entend évidemment, c'est des extraits. Les pièces sont quand même assez longues, des 8-10 minutes. Oui. Donc c'est vraiment, enfin, on a le temps de s'imprégner aussi dans cette ambiance et dans l'esprit un peu surréaliste que nous proposent les artistes. Oui, c'est ça. Je recommande d'écouter cet album-là la nuit. Alors, ben, on va en donner des indices au fil donc de quatre extraits que tu nous as sélectionnés. Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, comme toujours, les pièces sont toujours disponibles en téléchargement gratuit. On accède via le blog de l'Aérospatiale. Excellent. Alors, l'aérospatiale.wordpress.com. Et nous, Simon, on se dit à mardi prochain. À mardi. Et on écoute immédiatement un premier extrait de cet album dont Simon vient nous parler. L'extrait s'appelle « Where Are You ?» Alors voilà, petit extrait, et on en entendra d'autres, évidemment, au cours de l'émission. Quelques éléments d'actualité pour poursuivre. Notamment, on parle de quelques scandales dans le milieu des arts visuels internationaux, notamment en Russie. Le musée L'Ermitage qui a mis en garde contre le retour en Russie des répressions de l'époque soviétique, alors que des enquêteurs s'intéressent à l'une de ses expositions qui est jugée extrémiste par certains des habitants de Saint-Pétersbourg. Le célèbre célèbre musée de l'ancienne capitale impériale russe abrite depuis octobre dernier une exposition des artistes britanniques Jake et Dino Chapman qui est intitulée The End of Fun. Une exposition qui s'est retrouvée en plein centre d'un scandale puisque donc plus d'une centaine de citoyens jugent que les œuvres exposées sont blasphématoires. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ben, notamment, le clown Ronald McDonald, emblème de la chaîne américaine de restauration rapide, qui est crucifié sur une croix, des vivariums remplis de figurines, certaines vêtues d'uniformes nazis, le tout qui représente des scènes de guerre et les vitrines qui sont disposées, de telle sorte que, vue de haut, elle compose une croix gammée, donc quelques éléments comme ça qui ont soulevé l'ire des citoyens et citoyennes de l'endroit, du moins d'une partie, d'une portion, d'une minorité, et ben, d'un côté, il y a le musée qui dit, ben, regardez, c'est à nous de juger ce qui est acceptable ou non. Et de l'autre côté, donc ces gens-là qui disent, ben non, justement, il y a une marche à ne pas franchir. Alors, quelle est-elle, cette marche? Eh ben, en Suède, peut-être qu'elle a été franchie, justement, cette ligne-là. La justice suédoise qui, elle, a lancé une enquête sur l'utilisation par un artiste peintre de cendres recueillies dans un four crématoire d'un camp de concentration en Pologne. Le peintre Karl Michael von Oswulf a expliqué, donc, qu'il avait peint une aquarelle actuellement exposée dans une galerie de Lund, après avoir dilué dans de l'eau des restes amassés en 1989 au camp de Majdanek. Donc, c'est une œuvre qui a été créée avec ça, en noir et blanc, qui montre des coups de pinceau verticaux dans un rectangle. Tout ça censé évoquer, selon la légende, là, des gens torturés, suppliciés, assassinés par d'autres gens lors de l'une des guerres les plus impitoyables du 20e siècle. Alors, est-ce qu'il a volé ces cendres-là? Est-ce qu'il les a détournées? C'est ce que la justice aura à trancher. Donc, il y a une enquête criminelle qui a été ouverte pour déterminer les circonstances du vol de ces cendres-là. Alors, on met évidemment ces éléments dans notre pile énorme de dossiers à suivre. Sinon, quelques éléments un peu plus légers peut-être. À Zurich, la ville a annoncé hier avoir perdu la trace de plus de 5000 œuvres d'art, dont d'ailleurs une peinture de l'architecte Le Corbusier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la ville a décidé de faire un inventaire complet de son impressionnante collection quand même de 35 000 pièces. Et en fait, elle a découvert lors de cet inventaire-là qu'il manquait à peu près 15% des œuvres, dont 1400 originaux. Donc, c'est la première fois qu'ils faisaient un inventaire comme ça en 100 ans. Et ils se sont rendus compte peut-être, donc hier, que finalement, il devrait avoir un système de classement peut-être un peu mieux pensé, un peu plus détaillé. Alors, donc, une valeur totale quand même assez importante, évidemment, pour ces œuvres-là, notamment la peinture de Le Corbusier qui avait été achetée pour à peu près 80 000 francs suisses. Alors, la ville de Zurich espère évidemment réussir à retrouver tout ça. Petit suivi sur le Louvre Lens, on en parlait un peu la semaine dernière, donc du lancement de ce nouveau musée. Le journal Le Figaro, journal français, qui en profite pour justement utiliser ce lancement-là pour soulever quelques questions sur la mise en scène des expositions. Et on souligne qu'il y a de plus en plus d'institutions, à l'image de ce nouveau Louvre, qui adoptent une scénographie novatrice pour l'accrochage des œuvres. On donne d'ailleurs plusieurs exemples dans cet article-là. Je trouve ça bien intéressant. Et ça, donc, nous renvoie un peu à la question, est-ce que les musées, est-ce que les institutions devraient renouveler leur manière de présenter les œuvres? Et si on élargit, ben dans les galeries, les centres d'artistes, est-ce qu'il y a donc une nouvelle manière de mettre en scène les expositions qui devraient être considérées? Alors, on mettra évidemment le lien vers cet article-là en ligne sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Et enfin, dernier clin d'œil, on parle parfois du jeu vidéo. Il y a toujours ce débat à savoir, est-ce que le jeu vidéo est de l'art ou non, eh bien, le MoMA semble avoir décidé que oui, c'est de l'art. Donc, c'est la directrice de la section design et architecture du Musée d'art moderne de New York qui a décidé donc de se procurer de manière officielle des jeux vidéo pour garnir sa collection en disant, regardez, ce sont des exemples de design interactif et les jeux vidéo sont l'une des plus importantes et des plus discutées expressions de la créativité contemporaine. Alors, ils ont acquis 14 jeux, dont Super Mario Bros, Pac-Man, Tetris ou encore The Sims. Donc, des exemples représentatifs du genre et de son évolution. Alors, voilà pour cette petite revue de presse. Et on repart en pause audio avec un autre extrait de cet album Complex Brain in Confused Adventures. On écoute Fractured Sounds. Organization through which this Illuminati works, it's an organization you really don't know it, is a organization through which this Illuminati works. Alors, vous êtes toujours à l'antenne de la CKRL 89.1. Vous écoutez l'émission L'aérospatiale. Et ben, comme on l'a dit en ouverture, en fait, c'est des pièces quand même assez ambiantes. Alors, on a pris le temps de vous permettre de plonger un peu donc dans cette ambiance de Metek et Zreen Toys. Donc, album, je le rappelle, Complex Brain in Confused Adventures. Tout ça disponible en téléchargement gratuit. Et je vous rappelle également, si vous avez envie de suivre l'aérospatiale de manière un peu plus accentuée, bien évidemment, il y a le blog qu'on a mentionné tout à l'heure. Il y a également une page Facebook pour l'émission. Alors, si vous avez envie d'aimer cette page, ben, je vous invite à le faire, évidemment. Alors, c'est facebook.com/ l'aérospatiale en un mot, pas d'accent, évidemment. Alors, on vous avait promis une rencontre avec Edith Brunette. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de la rejoindre. Mais je me permets quand même de vous parler un peu de cette exposition-là, puisque, ben, notamment, elle se termine demain. Donc, on a encore très peu de temps. Fait jusqu'au 16 décembre, donc cette semaine, vendredi, en fait, bref. Je vous laisse faire le calcul de date pour aller découvrir donc cette exposition-là. Exposition, évidemment, bon, le terme est difficile à définir. On en a discuté d'ailleurs autour de l'œuvre elle-même. Est-ce que c'est une installation? Est-ce que c'est une exposition? Est-ce que c'est une performance? Est-ce que c'est une installation performative? Est-ce que c'est une démonstration d'art médiatique? Il y a quand même donc la qualification précise qui reste à travailler. On pourrait dire comme ça. Dans la mesure où, bon, on entre dans la galerie, vous êtes peut-être passé d'ailleurs en face du lieu sur la rue Dupont, et on entre dans cet espace-là, et tout ce qu'il y a au centre de la galerie, c'est un ordinateur, donc qui est placé sur une table tout ce qui est le plus ordinaire, un ordinateur tout ce qui est le plus ordinaire avec deux diffuseurs sonores dans le fond, donc deux speakers, comme on dit en bon anglicisme, qui, donc, à chaque minute et demie approximativement, vont être appelés à diffuser une petite trame d'environ une minute qui répète différentes intonations de manière assez théâtrale, somme toute, les termes « votre opinion est importante pour nous ». Évidemment, à qui la répète-t-il? C'est ça l'autre question, et c'est là qui fait aussi tout l'intérêt de cette installation performative-là qu'on retrouve au lieu. Dans la mesure où, certes, ils la disent à nous dans la galerie, nous qui y sommes, et la galerie qui est donc imprégnée de cette ligne-là, de cette minute de vocable, mais surtout, donc, cette voix-là est en connexion via Internet, via Skype, avec donc différentes compagnies qu'elle va appeler à la manière d'un robot de télémarketing auquel on a tous un jour été confrontés. Donc, c'est qu'à peu près à chaque 30 secondes, chaque minute, chaque 2 minutes, selon les délais, et donc la machine va appeler un numéro qui a été choisi par l'artiste Edith Brunette, et donc va signaler les chiffres, va attendre la réponse. Et lorsqu'il y a réponse soit d'un répondeur, soit d'un intervenant live, donc d'un intervenant sur place, eh ben la ligne donc enregistrée, votre opinion est importante pour nous, et donc ces différentes itérations vont être lancées, et éventuellement, on l'imagine bien, la personne qui est au bout du fil, qui entend ça, va raccrocher, un peu vexée en ne comprenant pas ce qui vient de se passer. J'ai eu l'occasion, en me rendant sur place, de voir justement un peu cette mécanique-là, et de voir un peu le fonctionnement aussi de tout ça. Donc c'est quand même assez intéressant comme idée de départ. Je le disais d'entrée de jeu, en fait, c'est pas vraiment une exposition, c'est pas vraiment une installation, c'est pas vraiment une performance. Donc c'est quand même quelque chose de difficile à qualifier et à spécifier, mais reste que c'est porteur, je trouve, d'une belle réflexion et d'une belle action aussi. Dans cette ère où on est constamment donc harnassé par la publicité, agressé par ces sondeurs d'opinion et ces offres d'abonnement à ci ou ça et autres. Et ben donc c'est un peu l'idée de renverser ce jeu-là et de se faire nous aussi donc télémarketeurs et de le faire à ceux justement qui font habituellement du télémarketing, puisque les choix de numéros de téléphone qui ont été faits par l'artiste, eh ben, ce sont des compagnies qui sont parfois, qui s'est appelées justement à aller sonder leur clientèle, puisque l'opinion de leur clientèle est importante pour eux. Et eux ont sûrement, en cours de route, eu à répéter ces termes-là et à les amener, à les proposer à leurs intervenants. Alors c'est un peu cette réflexion là qu'on nous propose à travers donc cette action qui est en continu, qui n'a de cesse de se poursuivre au fil de la liste. Chaque numéro qui est appelé seulement une fois, l'idée c'est pas non plus de commencer à harceler des compagnies, des organismes et autres, mais simplement donc à porter de manière dynamique, de manière active, cette réflexion là par le biais de l'art, par le biais des technologies, par le biais de ce qu'on pourrait dire comme étant un art un peu médiatique. Donc, c'est certain que ce qui est peut-être dommage pour ceux qui se déplacent au lieu, c'est qu'il y a peu à voir, qu'il y a peu à vivre aussi. En fait, on reste un certain temps, on veut entendre un appel, deux appels, trois appels, on veut voir comment que ça se passe. Mais effectivement, pour l'observateur, c'est pas quelque chose qui est très tangible au niveau du produit, du rendu artistique. Par contre, comme je le disais, une démarche et un propos qui est intéressant. Donc, c'est le genre d'installation, le genre de performance. J'utilise le terme, même si je sais qu'il est pas juste, qui demeure donc intéressante à voir dans la mesure où on peut en ressortir avec une discussion, avec des propos, avec des réflexions, avec un échange avec soit l'artiste s'il est sur place, avec la personne avec qui l'on est. Donc c'est pas le genre d'installation auquel on va rester insensible, mais inversement, c'est pas le genre d'installation qu'on va aller voir pour son côté esthétique non plus. Je disais, la qualification, en fait, je crois que dans les communications officielles, c'est installation performative qui avait été utilisée. Alors, ce qu'il faut dire, en fait, que même s'il n'y a pas d'humain, l'ordinateur, lui, est en constante action. Donc, il est toujours en train de signaler ces numéros-là. Donc, on a retiré l'humain du côté performatif de la chose pour, dans le fond, transférer ce pouvoir et cette responsabilité-là à l'ordinateur qui, lui, donc va faire son suivi un peu autour de ça. Donc c'est le côté peut-être un peu performatif de la chose qui également apporte une dynamique quand même intéressante, dans la mesure où on sait que cette action-là, elle existait bien avant qu'on se rende au lieu. On sait que cette action-là va se poursuivre jusqu'au terme de cette exposition-là. On sait qu'au fil des journées, il y a donc de nombreuses compagnies qui sont appelées par ce robot-là, avec des effets similaires à ceux qu'on a pu voir. Donc, ça rajoute aussi une dynamique quand même, je trouve, particulière à tout ça. Et même, à la limite, ça amène à se demander si ce type de mécanisme-là pourrait être même carrément dématérialisé. En fait, on n'a pas besoin de l'ordinateur, on n'a pas besoin de la salle d'exposition. Ça peut exister de manière autonome, indépendante et peu visible. Donc, évidemment, l'idée de placer ce mécanisme-là dans une salle d'exposition, c'est pour porter le questionnement qui est sous-jacent, dans le fond, à tout ça. D'où l'élément que je tente peut-être un peu, maladroitement de mettre de l'avant, mais l'idée justement de la démarche et du propos qui est l'essence même, dans le fond, de cette présentation-là, en excluant donc toute considération et préoccupation esthétique autour de ce rendu-là. Alors, si jamais ça vous tente, si vous passez dans le coin, allez y voir. Mais sinon, en fait, j'espère aussi déjà au fil de ce petit commentaire-là, vous avoir amené

est un artiste français, un artiste quand même qui collabore ici avec l'École des arts visuels. Donc, il offre un cours comme en concentré, mais pas du tout en... On pourrait s'attendre à ce que ce soit en gravure, puisque Engram, donc, qui présente son travail, est un centre de diffusion de l'estampe et de la gravure. Mais non, c'est quelqu'un qui travaille en vidéo et en théâtre. Et c'est quelqu'un, dans le fond, vraiment de pluridisciplinaire, qui pratique le dessin, la peinture, la sérigraphie, et qui a sa propre compagnie aussi de théâtre. Il a même collaboré, il était sur une... En fait, sa compagnie travaille sur une pièce présentée au Gros Bec qui vient de se terminer. Alors, c'est vraiment quelqu'un qu'on retrouve un peu avenues. Là. C'est peut-être même surprenant de le voir justement dans le domaine de l'estampe et de voir de quelle manière, j'imagine, aussi un type avec ce parcours-là va s'approprier un médium comme l'estampe. Exactement. Alors là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'exposition est une collaboration qu'il fait avec quelqu'un qui vient des arts du son et de l'art de la vidéo, un collaborateur qui s'appelle Didier Léglise, qui est venu le rejoindre ici à Québec pour travailler avec le studio, le laboratoire Lantis, le laboratoire... À l'Université Laval. À l'Université Laval, c'est ça, pour de l'image et du son, en fait. Oui, d'abord, oui. Ils ont fait un travail et ils se sont approprié le travail de sérigraphie de M. Fouquet pour le travailler en installation vidéographique. Et Didier Léglise a trafiqué le module Kinect, là, quand on joue. La Xbox 360. Ça, quand on joue. Donc, le capteur de mouvement. Ce qui fait que lorsqu'on est devant un écran, quand même assez impressionnant, c'est grand, le capteur de mouvement va prendre notre bras et va venir... créer, en fait, notre mouvement génère de l'image. Donc, il y a vraiment une interaction directe entre l'observateur et l'œuvre. Donc, ce qui fait que l'observateur devient presque un participant. Tout à fait. Parce que si c'est pas une œuvre qui est observée, mais j'imagine qu'il n'y a pas la même dynamique du tout non plus. Non, exactement. S'il n'y a pas ce mouvement-là. C'est ça. Je dirais que le gros de l'exposition, c'est cette collaboration-là, c'est ce dispositif installatif. Et c'est généré par un programme informatique, si j'ai bien compris le système, là, il y a une image qui est projetée, donc, qui est inspirée de la sérigraphie. C'est des sérigraphie, dans le fond, parfois ça peut être du paysage, parfois ça devient plus abstrait parce qu'on a que la trace, une partie là, d'un élément qui était peut-être à l'origine photographique ou figuratif, mais qui a été tellement travaillé, dont on a effacé, gratté. Il y a tout un travail à partir de l'image qui vient qu'on va avoir plus un geste, une trace qu'un prof. Alors, en gros, on a ce travail sérigraphique-là et donc on a une image et lorsqu'on génère un mouvement, on vient comme créer, soit une couleur ou encore d'autres éléments de superposition là, sur la gravure initiale, puis on ne sait jamais exactement ce que ça donne. Alors, quand c'est comme saturé, ça se rafraîchit et puis on a une deuxième expérience, une troisième expérience. Donc, un côté assez ludique, vraiment, là, de ce que j'en comprends. Oui, en fait, c'est intéressant. Ludique, c'est plutôt intriguant, je dirais, puisque ça nous met un peu dans la place, dans les souliers du créateur lui-même, qui lui-même procède à partir d'une image qui peut être fixe et donc qui vient trafiquer, qui vient ajouter des effets par le hasard, par le grattage, par la superposition là, de médiums. Et puis donc, on a comme si on refaisait peut-être un peu une partie du parcours du graveur. Ça pourrait être vu de cette manière-là, mais oui, il y a quelque chose de tout à fait ludique. En fait, on dirait que l'interaction amène le ludique, mais effectivement, si on pousse plus loin que simplement l'interaction pour l'interaction, parce que à un moment donné, ça devient simplement un gadget, et donc, il faut ajouter quelque chose, avoir un côté créatif, un côté lié à la démarche, au propos, pour que ça soit pas simplement justement un gadget et ça me semble pas en être un en gramme là. Exactement. Non, c'est ça. En fait, l'artiste veut installer ce qu'il dit un dialogue, donc par rapport à son travail de sérigraphie là, donc et de rendre la sérigraphie peut-être plus dynamique, moins statique aussi de ce qu'elle peut être. Ce qui fonctionne bien justement pour qu'on s'approprie bien c'est que lorsqu'on rentre dans la galerie, ce n'est pas la première chose que l'on voit, c'est pas le dispositif installatif, mais c'est bel et bien deux séries de gravures. La première, c'est la série Paysage Belle-Île. On voit, dans le fond, c'est des images comme un peu noir et blanc, comme des photographies noir et blanc, traitées en sérigraphie, souvent superposées, hein, plusieurs images de paysages les unes sur les autres, où on voit des fois plus de netteté, où on va perdre en définition. Il travaille dans cette idée de l'accumulation de l'image, puis la perte de netteté plus qu'à force d'en accumuler. Sur des papiers aussi qui sont parfois très transparents, donc ça lui permet d'en mettre dans les fenêtres aussi, puis on peut les voir du côté de la rue et de la galerie elle-même. Donc, il y a ce travail de paysage, Belle-Île, et il y a aussi une autre série qui lui fait face, s'appelle la série Croix, où là, on a encore ce travail de superposition. C'est comme si on a plusieurs gravures sur une même surface. Souvent, parfois deux, où on voit très bien l'effet de la croix, des fois plusieurs. Et là, on en perd carrément, le sujet, parce qu'on ne peut plus revoir c'était quoi l'image de départ. C'est en parlant avec l'artiste qu'on sait que c'était dans un monastère, c'était une table avec des gens autour d'une table qui pouvaient peut-être en instance de prière, de recueillement. Enfin, on sent le côté un peu sacré là, juste par le titre, la croix, mais il n'y a plus rien. Il n'y a que des interventions, des accumulations, des traces du travail de l'artiste. Des fois, c'est très gestuel, même qui a pu mettre on a exagéré, pas exagéré, mais juste faire, parce que c'est très noir et blanc, sur ce que je veux en venir, c'est que c'est noir et blanc, puis parfois il y a une trace comme une gestuelle qui apparaît, qui va être rouge. Et ce qu'il expliquait, puisque lors du vernissage, Ludovic a fait une présentation de son travail, et c'est qu'il explore vraiment le médium de la sérigraphie, puisque il vient même travailler à l'endos de la soie. Normalement, on va travailler la surface, là, il vient gratter, il vient boucher les pores de la soie jusqu'à ce que ça devienne complètement opaque. Et donc, ça devient un objet unique. La série elle-même ne peut plus être reproduite parce que c'est terminé. Et en même temps, comme tu dis, c'est intéressant de commencer avec des œuvres comme ça. Ça prépare l'œil, ça prépare à ce qui s'en vient par après, ou des éléments justement de saturation, de superposition, d'excès presque, oui. qui amènent vers l'installation. Exactement. Où on pourra reproduire, entre guillemets, à notre façon, l'esprit des sérigraphies qui sont proposées par Fouquet en premier lieu, dans le fond. Oui, absolument. Donc, le parcours est tout à fait progressif pour en arriver à comprendre davantage, justement, sa manière. Juste pour vous donner une piste de lecture aussi, palempsia, c'est un mot grec qui signifie gratter de nouveau ou comment réutiliser une surface en laissant visible ce qui a déjà été écrit. Alors déjà avec cette définition donc du titre de l'exposition, on comprend là cette idée, ce travail là aussi. C'est pas étonnant qu'il y ait un souci didactique un peu, de vouloir expliquer sa démarche, lui-même étant enseignant. J'imagine là, que tout ça a été très réfléchi, très pensé. Et est-ce que ça devient lourd, justement, le poids de cette démarche-là, ou si au contraire, on navigue bien dans l'ambiance, dans l'esprit, puis dans la cohérence de l'ensemble comme observateur? Ah, d'accord, non, je verrais pas de lourdeur. Non, au contraire, c'est assez, assez clair. Il y a un intérêt, là aussi, vraiment... par la diversité des propositions entre le paysage, le figuratif, très clair, avec ces superpositions-là sur ce jeu de transparence, et d'un autre côté, où là, on est dans un univers beaucoup plus... avec la sérigraphie, on va rechercher comme une trace de peinture. Alors, c'est la peinture d'un côté, la photo, la gravure, la superposition. Non, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels travailler, mais c'est pas lourd. Au contraire, ça devient stimulant. Oui, exactement. Tout à fait. Moi, ça paraît peut-être quand même assez emballé de ma rencontre aussi avec l'artiste et puis de comprendre aussi le parcours qui l'a amené, donc du monde théâtral au monde des arts visuels. Il fait des allers-retours comme ça. C'est quelqu'un qui est à suivre et intéressant là, à découvrir. Oui, pour le plaisir du métissage comme ça et d'exploiter dans le fond un médium sous toutes ses facettes et une galerie dans le fond sous toutes ses coutures. Exactement, de l'intérieur à l'extérieur. Oui. Ben, voilà, c'est ça. Et puis tout le travail à l'extérieur, en fait, toute la mise en espace qui tient compte justement du public qui passe dans la rue. Donc il y a vraiment, on tient vraiment compte là, du public, comment s'approprier cette œuvre-là de l'extérieur, du simple passant ou vraiment plus participatif, là, dynamique par l'installation elle-même. Et donc on y va, on y fait un tour. Personnage à découvrir ou à suivre lorsqu'il fait des passages sporadiques au Québec. En fait, il y a plusieurs étudiants là, donc, qui ont la chance de travailler en sa compagnie. Alors ça, c'est Palimpsia, donc c'est de Ludovic Fouquet. C'est présenté à Engram, donc sur la côte d'Abraham, jusqu'au 16 décembre, donc encore quelques jours pour aller y faire un tour. Catherine Boivin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et nous, on se retrouve l'année prochaine. Exact. On est déjà rendu oui, là. Oui, tout à fait. Alors, on prend une petite pause audio, toujours donc dans la sélection de Simon Roy pour cette semaine, l'album A Complex Brain is Confused Adventures de Metek et Zreen Toys. On écoute un extrait de Through the Eyes of a Child. Alors voilà, donc, extrait de cette sélection audio qu'on retrouve notamment en téléchargement via le blog de l'aérospatial, l'aérospatial.wordpress.com. Et maintenant, on se transporte vers le musée de la civilisation qui offre depuis déjà quelques temps, depuis fin octobre, une exposition qui s'appelle Art du Nigeria, donc qui est consacrée évidemment donc à des collections d'art de cette région du monde. Et pour nous en parler, bon, on a le plaisir d'être en compagnie du directeur général du musée, M. Michel Côté, bonjour. Bonjour. Alors, exposition sur le Nigeria, j'ai l'impression d'abord d'emblée, si on parle mandat, que ça s'insère assez bien dans celui du musée de la civilisation, l'idée un peu de faire découvrir, de partager des cultures qui sont pour beaucoup assez méconnues, somme toute. Ah, bien sûr, effectivement, nos rôles, c'est de comprendre un peu la diversité culturelle et l'importance de la diversité culturelle. C'est vrai qu'il faut expliquer comment on est enraciné au Québec, mais aussi s'ouvrir à l'universel. Et je pense qu'on a deux grandes voies, dans le fond, en matière d'exposition internationale. On a une voie où on essaie de comprendre les liens qui nous unissent d'une façon traditionnelle à certaines sociétés. Je pense à l'exposition Rome qu'on a fait déjà l'année dernière et l'été prochain, nous avons une expo sur Paris. Donc, on voit bien le lien étroit entre le Québec, Rome et Paris, probablement Londres un peu plus tard. Mais en même temps, on a aussi la responsabilité de présenter des cultures qui sont moins connues, peu connues et même un peu exotiques. Au fond, l'art du Niger rentre un peu dans cette tradition. Et pour la présenter, en fait, c'est pas le parcours d'un passionné présenté comme ça, le collectionneur Alain Lebas, qui agit comme commissaire de cette exposition-là. Et je crois que c'est un peu lui qui a amené ce projet vers le musée. Ah, absolument. Monsieur Lebas est un grand collectionneur. Pour nous, c'était intéressant de passer par la parole de Monsieur Lebas et par la voix de Monsieur Lebas, parce que on veut raconter, au-delà de l'art du Nigeria, comment se construit, dans le fond, une collection. Comment se construit une pensée autour des arts du Nigeria. Et comment on finit par faire une référence presque mondiale sur des critères esthétiques, sur des critères de passion. Et donc, c'est souvent les collectionneurs privés qui finissent par définir la qualité, qui définissent par définir la norme un peu. Et donc, c'était intéressant de présenter une expo où on a le regard de collectionneurs privés. C'était d'autant plus intéressant que ce sont des collectionneurs privés français. Et alors qu'on sait que le Nigeria est pas un pays, pas une ancienne colonie française, mais bien anglophone. Et donc, comment se fait-il que des gens en France aient développé une si grande collection, parce qu'il s'agit d'objets effectivement uniques au monde, fabuleux, et donc c'est intéressant de le prendre par ce biais-là. Donc, on a une double lecture. On a la lecture des objets, même du Nigeria, la beauté de leurs objets, mais la lecture aussi des collectionneurs. Effectivement, et ça nous amène vers un autre terrain. Si ça avait été une expo liée à l'histoire de l'art ou liée à l'anthropologie, j'ai l'impression que le parcours, que la dynamique, que le choix des œuvres présentées n'aurait pas du tout été, n'aurait pas nécessairement été le même que celui qui a été préconisé par Lebas. Puis en même temps, oui et non. En fait, dans l'histoire des arts premiers, vous savez que l'histoire de l'art en général, c'est l'histoire de l'art occidental. C'est donc assez récent qu'on s'intéresse à autre chose que l'histoire de l'art occidental. Et en Afrique, on crée depuis très longtemps, depuis des dizaines de milliers d'années, pratiquement depuis au moins 2500 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc il y a une longue tradition de la sculpture, de l'art en général, mais ça n'a jamais été intégré à l'histoire de l'art officiel. Mmh. Et c'est depuis, je dirais, 20 ans que les musées commencent à s'intéresser à ces formes d'expression. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que c'est d'abord les muséums d'histoire naturelle, par l'histoire naturelle, que ces objets sont rentrés dans les collections de musées, après par les musées de société, et c'est tout récent que les musées de beaux-arts commencent à s'intéresser aussi à l'art premier. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un côté où on arrive difficilement à le dissocier de son côté utilitaire, du côté anthropologique. Donc, on le ramène, on explique lié aux religieux, aux autres éléments, mais on a encore besoin de ce lien-là plutôt que de le prendre simplement dans un contexte de l'art pour de l'art. Oui, c'est un vieux débat. Et d'ailleurs, c'était tout le débat autour de la création du musée du Quai Branly à Paris entre les partisans de l'art pour l'art, donc de l'aspect purement esthétique, et les partisans de l'ethnologie et de l'anthropologie. Pour moi, dans le fond, ça ne se sépare pas. Pour moi, c'est absolument lié. Si on veut bien apprécier un objet, et on peut l'apprécier sur son regard, par un regard esthétique, mais aussi c'est un objet de culte. Il a une fonction. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable dans l'exposition, c'est que pour les collectionneurs, il faut que ce soit un objet qui a été vivant, donc vécu, qui a servi pour le culte, peu importe le type de culte. Ils n'accepteraient pas un objet uniquement fait pour la décoration ou un objet uniquement fait pour les touristes. Ils veulent que ce soit un objet qui a été utilisé par la communauté. Ça, c'est une question d'authenticité, peut-être. Absolument. On définit le caractère authentique par son utilisation, donc par la pratique. Et donc, c'est excessivement important. Donc, on ne peut pas séparer cet objet-là du culte. Fondamentalement. Mais c'est vrai que le regard premier des collectionneurs, c'est probablement pas le regard de l'ethnologue ou de l'anthropologue, c'est le regard de l'esthète, de celui qui a une sensibilité à des objets, qui a la sensibilité à la sculpture, aux formes, à l'impression. Et quand les collectionneurs parlent de ces objets, ils en parlent d'une façon très émotive, pratiquement très sensible, beaucoup plus que rationnelle. Mais bien sûr, ils décodent aussi l'utilisation et la fonction de l'objet. Donc, je pense qu'il y a une double lecture. Il faut toujours rester avec une double lecture. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de voir la variété. Je prends un exemple très concret, dans la mesure où quand on parle, bon, en général, des arts de l'Afrique, plus spécifiquement de l'art du Nigeria, j'ai en tête des éléments organiques. Et on découvre au fil de l'exposition qu'au contraire, non, il y a du travail de métal, il y a des trucs qui sont extrêmement détaillés, qui sont faits dans ce sens-là. Donc, c'est un art beaucoup plus global que l'idée préconçue, encore là, qu'on pourrait avoir face à la production de cette région. Vous avez raison, d'autant plus je ferais deux remarques. On connaît très peu, dans le fond, l'art africain au Québec. On a eu très peu de contacts, on n'a pas eu de colonies, alors que les Européens ont une longue tradition avec leurs colonies, donc ils ont été plus près de l'art africain en général. Donc, on a une faiblesse là dans notre culture générale. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant de constater, c'est que l'art du Nigeria, en même temps, ça ne veut rien dire, parce que le Nigeria, c'est une construction occidentale comme pays, bien sûr, ça couvre un territoire, mais le Nigeria, c'est au-delà de 200 ethnies, c'est 250 ethnies qui parlent des langues excessivement variées. Et ce qu'on remarque dans l'exposition, c'est que chaque culture a aussi son mode d'expression. On peut reconnaître les différences des ethnies par leur mode d'expression, par leur sensibilité esthétique et par l'utilisation effectivement de matériaux. on l'a pas conservé pour des raisons évidentes, là, d'objets d'archéologie, parce qu'il y a des problèmes de circulation internationale sur l'archéologie. On est resté sur la sculpture fondamentalement, qu'elle soit effectivement, elle est principalement en bois. Globalement, moi, je dirais que c'est presque la totalité, ça doit être 80%, mais effectivement, il y a aussi d'autres matériaux qui sont utilisés, mais des types de bois excessivement variés, des bois mous, des bois durs, donc on a une grande variété de modes d'expression. Oui, parce qu'en même temps, je fais du pouce un peu sur ce que vous avez dit, Michel Côté, dans la mesure où, justement, comme le Nigeria n'est pas un tout homogène, comme le royaume du Bénin, si on en remonte un peu plus loin, ben, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs pratiques, il y a plusieurs approches. Et ça ressort aussi beaucoup, en fait, il y a une variété très évidente, donc au niveau des techniques et du rendu réaliste, semi-réaliste, surréaliste, etc. Alors absolument, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans la mise en scène de l'expo, on voit bien les cultures. On n'a pas besoin presque de lire, on voit bien par les formes qu'il y a des cultures différentes, qu'il y a des modes d'expression différents, et on voit bien, parce qu'on l'a mis en parallèle parfois dans des vitrines côte à côte, parfois des objets qui sont presque aériens, où on a l'impression qu'ils vont s'envoler, et d'autres qui sont parfois très ancrés au sol, très massifs, on a l'impression qu'ils vont danser mais sur le sol, alors que les autres vont s'envoler. Donc les artistes, les créateurs, ou les artisans, peu importe comment on les appelle, ceux qui ont créé ces œuvres, l'ont créé selon leur propre culture. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de la culture, il y a aussi une personnalité individuelle, ce qui fait que ce sont des œuvres de création. Parce que les artistes s'expriment avec un code, qui est le code de leur ethnie, de leur culture, comme nous, on s'inspire avec notre propre code. Mais ce qui fait la différence, c'est parfois c'est celui qui pousse un peu plus loin. Celui qui décode, dans le fond, celui qui réinvente un nouveau code, et on voit bien qu'il y a des créateurs qui vont un peu plus loin que les traditionnalistes, donc les gens qui nous permettent une nouvelle lecture de leur propre code. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est ce qui fait qu'on dit que des œuvres sont signées individuellement. C'est pas juste une signature collective, c'est pas juste le mode d'expression des Yoruba ou d'une autre ethnie. Il y a Yoruba, mais chez les Yoruba, il y a un tel créateur qui a choisi de s'exprimer différemment tout en respectant le code de sa culture. Et c'est ce qui fait aussi que si on s'intéresse, par exemple, à l'histoire de l'art des régions comme le Nigeria, ben, il y a une évolution, il y a une progression. C'est pas un art qui est statique, qui est resté identique à ce qu'il était au 18e siècle ou avant, et qui, encore aujourd'hui, j'imagine, évolue. Absolument. Il y a encore des créateurs. Il y a toujours des créateurs. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est comme partout à travers le monde, les Inuits s'expriment bien sûr par la sculpture, mais s'expriment aussi par la vidéo maintenant, hein, donc, et c'est la même chose chez les Aborigènes d'Australie, bon, c'est la même chose en Afrique, et c'est vrai qu'il y a des courants africains importants, par exemple en photographie. On sait qu'il y a des grands photographes contemporains qui sont africains, mais la sculpture, l'idée du trois dimensions demeure excessivement importante, même dans la culture populaire, dans l'art populaire, dans l'art classique, la forme est essentielle. Et ce qui est intéressant, un élément qui est d'ailleurs signalé dans l'exposition qui est présentée au musée, c'est l'idée aussi des ponts de cet art-là vers l'art moderne, vers l'art européen. Par exemple, enfin, on découvre qu'il y a eu des influences vers Picasso, par exemple, vers d'autres des grands noms de l'art moderne. Donc, c'est pas complètement dissocié, bien au contraire. Là, et inversement, l'Europe a aussi influencé à travers la période coloniale les oui. techniques de production. Donc, il y a eu des échanges. Oui, on voit par exemple l'influence des Portugais sur certaines œuvres. Alors, je suis en même temps toujours un peu embarrassé avec cette lecture-là. Je vous dis pourquoi. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, que c'est souvent les peintres, souvent du début du siècle, l'autre siècle, du début du 20e siècle, ont découvert l'art africain, et ils l'ont très bien intégré. Picasso, vous l'avez nommé, a été influencé par l'art africain, mais beaucoup d'autres aussi. Mais en même temps, entre nous, cet art existe sans eux. et exister sans eux. C'est que nous, on l'apprend. Dans le fond, ces créateurs nous l'ont fait découvrir, c'est vrai. Mais ils s'exprimaient de toute façon. L'art africain existe aussi en soi. C'est comme dire, on a découvert l'Amérique, on a rencontré l'Amérique. Hein. Les Européens ont rencontré l'Amérique avec tout de même des gens qui étaient ici, qui habitaient sur ce territoire. Donc, quand on dit qu'on a découvert l'Amérique, c'est toujours un peu délicat. Mais c'est la même chose, je dirais, de la relation entre l'art occidental et l'art africain. Bien sûr, il y a eu une reconnaissance qui a influencé, qui a été importante dans le développement de l'art occidental, mais en même temps, l'art africain existe. Ce que j'ai trouvé intéressant, et si vous me permettez de faire un parallèle, à l'automne prochain, là, en 2013, nous allons préparer une expo sur Pierre Gauvreau, l'auteur du Temps d'une paix, mais aussi le signataire du Refus global, qui est d'abord un plasticien, qui est d'abord un peintre. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que Gauvreau a été très sensibilisé, très influencé par l'art populaire québécois. Et l'art populaire lui donnait de nouvelles voies, de nouvelles façons de créer. Et dans le fond, les artistes européens ont été de la même façon influencés par l'art africain, qui a décodé des choses autrement, qui a brisé des tabous, qui leur a permis de s'éclater un peu plus. Comme chez Gauvreau, c'était l'art populaire, je dirais que chez les artistes européens, c'était l'art africain, effectivement, qui a joué ce rôle essentiel. Et en terminant, Michel Côté, évidemment, on l'a mentionné au départ, c'est pas une culture qu'on connaît encore énormément, on la découvre. Et est-ce que ça donne donc un défi additionnel pour s'assurer que ce premier contact pour beaucoup de visiteurs va se faire donc avec une expo comme les Arts du Nigeria, mais que ce soit un premier contact favorable justement et positif envers ces tendances d'art là qu'on connaît trop peu malheureusement. Bon, on espère, c'est pour ça qu'on le fait. Et dans l'expo, on peut entendre aussi trois collectionneurs. Il y a trois entrevues qui ont été faites avec des collectionneurs qui nous expliquent leur démarche, leur regard, pourquoi ils ont choisi des objets, qui décrivent des objets. Et là, on découvre leur véritable passion, mais ils nous aident aussi à comprendre. Il y a une très belle muséographie qui a été faite pour cette expo. C'est une expo, moi, honnêtement, je crois en toute objectivité qu'elle est magnifique. Et je pense que les gens vont être sensibles à chacun des objets. Je pense qu'on n'est pas nécessaire de connaître tous les codes, toutes les façons de faire. Il y a des objets qui nous parlent et on est ému face à certains objets. Et même des enfants qui viennent dans l'expo, les familles qui viennent avec des enfants, et les enfants comprennent très bien ce que les artistes ont voulu raconter. Alors bon, on invite les gens à aller voir justement ce que ces artistes ont raconté dans l'exposition Art du Nigeria. Je le rappelle, c'est jusqu'au 21 avril 2013. C'est au Musée de la Civilisation. Michel Côté, directeur général, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on part avec une dernière pause audio. Donc toujours dans les suggestions de Simon Roy, Fractured Sounds Electro Zrintide Version. Et voilà, dernière ligne droite à l'aérospatiale. Je vous rappelle donc qu'on vient d'entendre donc des extraits de l'album A Complex Brain is Confused Adventures de Mythic et Zreen Toys. Sinon, à signaler à l'agenda, mais notamment les 14 et 15 décembre prochains à 19h, il y a Exploration Performative 2, les soirées de performance offertes par les étudiants et étudiantes du cours Art, Action et Performance qui est donné à l'École des Arts Visuels. Les soirées de performance sont au lieu. C'est entrée libre, donc à 19h, les 14 et 15 décembre qui viennent. Sinon, plusieurs expositions qui se poursuivent et pour la plupart qui se terminent également cette semaine dans les centres d'artistes, notamment à Vue, l'exposition collective en architecture. Vous avez également à Regard, Pascal Asselin et Joël Paquet, 8163 kilomètres. À Materia, Isabelle Picard, structure modulaire. Donc, tout ça se termine le 16. Sinon, il y a le 23, donc Francine Simonin à La Certe. Donc, l'exposition se termine le 23. Et également, vous avez plusieurs expos qui se poursuivent au Musée national des Beaux-Arts également. Alors, ben voilà pour cette édition de l'aérospatiale. Évidemment, on sera de retour avec vous pour une autre édition de l'émission la semaine prochaine. Ce sera la dernière, d'ailleurs, avant le temps des fêtes. Alors, j'en profite pour remercier les collaborateurs, pour remercier Jacques Gignac à la mise en onde et pour vous rappeler de fréquenter notre blog, de fréquenter notre Facebook, l'aérospatiale.wordpress.com, facebook.com/l'aérospatiale. Et c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes de CKRL et dans quelques instants, c'est Gilles Chaumel qui prend la relève avec l'émission Folk d'Amérique. À bientôt.